Chapitre 5. En vue du littoral de la Nouvelle-Angleterre. À l'époque où ces faits furent rapportés par les journaux d'Amérique, j'étais depuis un mois de retour à Washington. Dès mon arrivée, j'avais eu soin de me présenter chez mon chef. Je ne pus le voir. Pour des raisons de famille, une absence allait le tenir éloigné quelques semaines. Mais à n'en pas douter, M. Ward connaissait l'insuccès de ma mission. Les diverses feuilles de la Caroline du Nord avaient rapporté, fort exactement, les détails de cette ascension au Greatery en compagnie du maire de Morganton. On comprendra le violent dépit que je ressentais de cette tentative inutile, sans parler de ma curiosité non satisfaite. Et au vrai, je ne pouvais me faire à cette idée qu'elle ne le serait pas dans l'avenir. Quoi ? Ne pas surprendre les secrets du Greatery ? Non, quand je devrais 10 fois, 20 fois, me remettre en campagne et au risque d'y succomber. Évidemment, il n'était pas au-dessus des forces humaines, ce travail qui donnerait accès à l'intérieur de l'air. Dresser un échafaudage jusqu'à la crête des hautes murailles, ou percer une galerie à travers l'épaisse paroi de l'enceinte, cela n'avait rien d'impossible. Nos ingénieurs s'attaquent journellement à des œuvres plus difficiles. Mais en ce qui concerne le Greatery, il eût fallu compter avec la dépense qui aurait été dans l'espèce hors de proportion avec les avantages à en retirer. Elle se fut chiffrée par plusieurs milliers de dollars. Et en somme, à quoi ce dispendieux travail eût-il servi? Si sur ce point des montagnes bleues s'ouvrait un volcan, on aurait pu l'éteindre, et s'il menaçait le district d'une éruption, on eût pu l'empêcher. Donc toute cette besogne aurait été faite en pure perte et ne donnerait satisfaction qu'à la curiosité publique. En tout cas, quel que fût l'intérêt spécial que je prenais à cette affaire, et si désireux que je fusse de fouler du pied le Greatery, ce n'est pas avec mes ressources personnelles que j'eusse songé à m'y engager, et j'en étais réduit à me dire, in petto, « Voilà qui devrait tenter un de nos milliardaires américains. Voilà l'œuvre que devraient poursuivre à tout prix des Gould, des Astor, des Vanderbilt, des Rockefeller, des Mackay, des Pierrepont Morgan. Bon, ils n'y songeront pas, et ces grands trusteurs ont bien d'autres idées en tête. Ah, si l'enceinte eût renfermé dans ses entrailles quelques riches filons d'or ou d'argent, peut-être aurait-il marché. Mais cette hypothèse n'était guère admissible. » La chaîne des Appalaches n'est située ni en Californie, ni au Klondike, ni en Australie, ni au Transvaal, ces pays privilégiés des inépuisables placers. Ce fut dans la matinée du 15 juin que M. Ward me reçut dans son bureau. Il connaissait l'insuccès de l'enquête dont j'avais été chargé par lui. Néanmoins, il me fit bon accueil. « Voilà donc ce pauvre Stroke, » s'écria-t-il à mon entrée, « ce pauvre Stroke qui n'a pas réussi. » « Pas plus, M. Ward, que si vous m'aviez chargé d'une enquête à la surface de la Lune, » répondis-je. « Il est vrai, nous nous sommes trouvés en présence d'obstacles purement matériels, mais insurmontables dans les conditions où nous avons opéré. »« Je vous crois, Stroke, je vous crois volontiers. Ce qui est certain, c'est que vous n'avez rien découvert de ce qui se passe à l'intérieur du Greatery. »« Rien, M. Ward. »« Cependant, vous n'avez vu apparaître aucune flamme ?»« Aucune. » Et vous n'avez entendu aucun bruit suspect? Aucun. On en est encore à savoir s'il se trouve là un volcan? Encore, monsieur Ward, et si ce volcan existe, il y a lieu de croire qu'il dort d'un profond sommeil. Hé, reprit monsieur Ward, rien ne dit qu'il ne se réveillera pas un jour. Voyez-vous, Stroke, cela ne suffit point qu'un volcan dorme, il faut qu'il soit éteint. À moins que tout ce qu'on a raconté n'ait pris naissance dans les imaginations caroliniennes. « Je ne le pense pas, monsieur Ward, » répondis-je. « Monsieur Smith, le maire de Morganton et son ami, le maire de Pleasant Garden, sont très affirmatifs à ce sujet. Oui, des flammes se sont montrées au-dessus du Greatery. Oui, il en sortait des bruits inexplicables. Pas de doute sur la réalité de ces phénomènes. »« Entendu, » déclara monsieur Ward. « J'admets que les maires et leurs administrés n'ont point fait erreur. Enfin, quoi qu'il en soit, » le Greatery n'a pas révélé son secret. Si on tient à le savoir, monsieur Ward, il n'y a qu'à y mettre le prix, et en faisant les dépenses nécessaires, le pic et la mine auront raison de ses murailles. Sans doute, répliqua monsieur Ward, mais ce travail ne s'impose pas, et il est préférable d'attendre. D'ailleurs, la nature finira peut-être par nous livrer elle-même le mystère en question. Monsieur Ward, croyez-le bien, je regrette de n'avoir pu accomplir la tâche que vous m'aviez confiée. Bon, ne vous désolez pas, Throck, et prenez philosophiquement votre échec. Nous ne sommes pas toujours heureux dans notre partie, et les campagnes de la police ne sont pas invariablement couronnées de succès. Voyez, en matière criminelle, combien de coupables nous échappent. Et je vais plus loin. On ne pourrait en arrêter un seul s'ils étaient plus intelligents, moins imprudents surtout, s'ils ne se compromettaient pas stupidement. Mais ils se livrent eux-mêmes, parlant à tort et à travers. À mon avis, rien ne doit être plus facile que de préparer un crime, assassinat ou vol, de l'exécuter sans laisser de soupçons, de manière à déjouer toute poursuite. Vous comprenez bien, Stroke, que ce n'est pas moi qui irai donner des leçons d'adresse et de prudence à messieurs les criminels. Et d'ailleurs, je le répète, ils sont nombreux, ceux que la police n'a jamais pu découvrir. À ce sujet, je partageais absolument l'opinion de mon chef. C'est dans le monde des malfaiteurs que se rencontrent le plus d'imbéciles. Toutefois, il faut en convenir, ce qui me paraissait au moins étonnant, c'était que les autorités municipales ou autres n'eussent pas encore fait la lumière sur les faits dont certains états venaient d'être le théâtre. Aussi, lorsque M. Ward m'entretint à ce sujet, je ne pus lui cacher mon extrême surprise. Il s'agissait de l'insaisissable véhicule qui venait de circuler sur les routes au grand danger des piétons, chevaux, voitures qui les fréquentent. On sait dans quelles conditions de vitesse il battait tous les records de l'automobilisme. Dès les premiers jours, les autorités avaient été prévenues et donnaient des ordres afin de dresser contravention à ce terrible inventeur et pour mettre un terme à ses redoutables fantaisies. Il surgissait, on ne sait d'où, il paraissait et disparaissait avec l'instantanéité d'un éclair. Actifs et nombreux agents s'étaient mis en campagne. Ils n'avaient pu rejoindre le délinquant. Et ne voilà-t-il pas que dernièrement, entre Prairie du Chien et Milwaukee, en plein concours organisé par l'Automobile American Club, il avait couvert en moins de 2 heures cette piste de 200 000. Puis, de ce que cet appareil était devenu, aucune nouvelle. Arrivé à l'extrémité de la route, emporté par son élan, sans avoir pu s'arrêter, avait-il été s'engloutir dans les eaux du lac Michigan? Devait-on penser que sa machine et lui eussent péri, qu'il ne serait plus jamais question ni de l'un ni de l'autre? Or, la grande majorité du public se refusait à admettre cette solution qui eût été la meilleure, et on s'attendait à le voir reparaître de plus belle. Il est certain que l'aventure, aux yeux de M. Ward, rentrait dans le domaine de l'extraordinaire, et je partageais sa manière de voir. Assurément, si l'endiablé chauffeur ne se montrait plus, il y aurait lieu de ranger son apparition parmi ces mystères qu'il n'est pas donné à l'homme de pénétrer. Nous avions causé de cette affaire, mon chef et moi, et je pensais que notre entretien allait prendre fin lorsque, après quelques pas dans son cabinet, il me dit « Oui, ce qui s'est passé sur la route de Milwaukee pendant le concours international, c'est tout ce qu'il y a de plus étrange. Mais voici qui ne l'est pas moins. » Monsieur Ward me donna un rapport que la police de Boston venait de lui adresser au sujet d'un fait dont les journaux, dès le soir même, allaient entretenir leurs lecteurs. Tandis que je lisais, M. Ward s'était remis à son bureau où il acheva une correspondance commencée avant ma visite. Je m'étais assis près de la fenêtre et c'est avec une extrême attention que je pris connaissance du dit rapport. Depuis quelques jours, les parages de la Nouvelle-Angleterre, en vue des côtes du Maine, du Connecticut, du Massachusetts, étaient troublés par une apparition sur la nature de laquelle personne n'avait pu être fixé. Une masse mouvante qui émergeait à 2 ou 3 milles du littoral se livrait à de rapides évolutions. Puis elle s'éloignait en glissant à la surface de la mer et ne tardait pas à disparaître au large. Cette masse, se déplaçant avec une extrême vitesse, les meilleures longues-vues avaient peine à la suivre. Sa longueur ne devait pas dépasser une trentaine de pieds. De structure fusiforme et de couleur verdâtre, couleur qui lui permettait de se confondre avec la mer. La partie du littoral américain d'où elle avait été le plus souvent observée était celle qui s'étend entre le cap nord de l'État du Connecticut et le cap Sable, situé à l'extrémité occidentale de la Nouvelle-Écosse. À Providence, à Boston, à Portsmouth, à Portland, des chaloupes à vapeur tentèrent, maintes fois, de s'approcher de ce corps mouvant et même de lui donner la chasse. Elles ne parvinrent pas à le rejoindre. Le poursuivre, d'ailleurs, fut bientôt jugé inutile. En quelques instants, il se mettait hors de la portée du regard. On ne s'en étonnera pas, des opinions bien différentes s'étaient faites touchant la nature de cet objet. Mais jusqu'alors, aucune hypothèse ne reposait sur une base certaine, et les gens de mer s'y perdaient, tout comme les autres. D'abord, marins et pêcheurs admirent que ce devait être quelque mammifère du genre cétacé. Or, on ne l'ignore pas, ces animaux plongent avec une certaine régularité, et après plusieurs minutes sous les eaux, ils reviennent à la surface, rejetant par leurs évents des colonnes de liquide mélangé d'air. Or, jamais jusqu'ici cet animal, si c'était un animal, n'avait sondé, comme disent les baleiniers. Jamais il ne s'était dérobé par un plongeon. Jamais on n'avait vu ni entendu les puissants souffles de sa respiration. Dès lors, s'il n'appartenait pas à la classe des mammifères marins, fallait-il voir en lui quelque monstre inconnu qui remontait des profondeurs océaniques, tels que ceux qui figurent dans les récits légendaires des anciens temps? Était-il arrangé parmi les calmars, les kraken, les léviathans, les fameux serpents de mer dont il y aurait eu lieu de redouter l'attaque? En tout cas, depuis que ce monstre, quel qu'il fût, avait été vu dans les parages de la Nouvelle-Angleterre, les petites embarcations, les chaloupes de pêche, n'osaient plus s'aventurer au large. Dès que sa présence était signalée, elle se hâtait de regagner le plus prochain port. Assurément, la prudence l'exigeait, et pour peu que cet animal fût de caractère agressif, mieux valait ne point s'exposer à ses atteintes. Quant au voilier de long cours, au grand steamer, il n'avait rien à craindre du monstre, baleine ou autre. Leurs équipages n'étaient pas sans l'avoir aperçu plusieurs fois à plusieurs milles de distance, mais dès qu'il cherchait à le rejoindre, il s'éloignait si rapidement qu'il eût été impossible de l'approcher. Un jour même, un petit croiseur de Leyta sortit du port de Boston, sinon pour le poursuivre, du moins pour lui envoyer quelques projectiles. En peu d'instants, l'animal se mit hors de portée et la tentative fut vaine. Jusqu'alors, du reste, il ne semblait pas qu'il eût l'intention de s'attaquer aux chaloupes des pêcheurs. À ce moment, j'interrompis ma lecture et m'adressant à M. Ward, je lui dis « En somme, on n'a pas encore eu à se plaindre de la présence de ce monstre. Il fuit devant les gros navires, il ne se lance pas sur les petits. L'émotion ne doit pas être bien vive chez les gens du littoral. » Elle l'est pourtant, Stroke, et ce rapport en fait foi. Cependant, Monsieur Ward, la bête ne paraît pas être dangereuse. D'ailleurs, de deux choses l'une, ou elle quittera un jour ces parages, ou on finira par la capturer, et nous la verrons figurer dans le muséum à Washington. Et si ce n'est pas un monstre marin, répondit Monsieur Ward. Que serait-ce donc? Demandai-je, assez surpris de la réponse. Continuez votre lecture, me dit M. Ward. C'est ce que je fis, et voici ce que m'apprit la seconde partie du rapport dont mon chef avait souligné certains passages au crayon rouge. Pendant quelque temps, personne n'avait mis en doute que ce fût un monstre marin, et à condition de le poursuivre vigoureusement, on finirait par débarrasser ces parages de sa présence. Mais un revirement de l'opinion ne tarda pas à se produire. En fin de compte, certains esprits, plus avisés, se demandèrent si au lieu d'un animal, ce n'était pas un engin de navigation qui venait évoluer dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre. Certes, cet engin devait présenter un rare degré de perfection. Peut-être avant de livrer le secret de son invention, l'inventeur cherchait-il à provoquer l'attention publique et même quelque épouvante chez l'agent maritime. Une telle sûreté dans ses manœuvres, une telle rapidité dans ses évolutions, une telle facilité à se dérober aux poursuites grâce à son excessive puissance de déplacement, cela était bien pour piquer la curiosité. À cette époque, de grands progrès avaient été accomplis dans l'art de la navigation mécanique. Les transatlantiques obtenaient de telles vitesses que 5 jours leur suffisaient à franchir la distance entre l'ancien et le nouveau continent, et les ingénieurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Quant à la marine militaire, elle n'était pas restée en arrière. Les croiseurs, les torpilleurs, les contre-torpilleurs pouvaient lutter avec les plus rapides paquebots de l'Atlantique, du Pacifique et de la mer des Indes. Toutefois, s'il s'agissait d'un bateau de nouveau modèle, il n'avait pas encore été possible d'observer sa forme extérieure. Mais quant au moteur dont il disposait, il devait être d'une puissance dont n'approchaient pas les plus perfectionnés. À quel fluide empruntait-il sa valeur dynamique? Vapeur ou électricité? Impossible de le reconnaître. Le certain, c'est que, dépourvu de voilure, il ne se servait pas du vent et dépourvu de cheminée, il ne marchait pas à la vapeur. À cet endroit du rapport, j'avais une seconde fois interrompu ma lecture et je réfléchissais à ce que je venais de lire. « À quoi songez-vous, Stroke ?» me demanda mon chef. « À ceci, monsieur Ward. C'est que, en ce qui concerne le dimoteur du dit bateau, il serait aussi fort et aussi inconnu que celui de cette fantastique automobile dont on n'a plus entendu parler depuis le match de l'American Club. » « C'est la réflexion que vous avez faite, Stroke ?» « Oui, monsieur Ward. Et alors, cette conclusion s'imposait. C'est que, si le mystérieux chauffeur avait disparu, s'il avait péri avec son appareil dans les eaux du lac Michigan, il faudrait obtenir coûte que coûte le secret du non moins mystérieux navigateur et souhaiter qu'il ne s'engloutit pas dans les abîmes de la mer avant de l'avoir livré. Est-ce que ce n'est pas l'intérêt d'un inventeur de mettre en lumière son invention ? Est-ce que l'Amérique ou tout autre État ne lui en donnerait pas le prix qu'il exigerait ? Par malheur, si l'inventeur de l'appareil terrestre avait toujours conservé l'incognito, n'était-il pas à craindre que l'inventeur de l'appareil marin ne voulût garder le sien ? En admettant même que le premier existât encore, on n'en avait plus entendu parler. Or, pour ce qui concernait le second, n'en serait-il pas de même ? Et après avoir évolué en vue de Boston, de Portsmouth, de Portland, ne disparaîtrait-il pas à son tour sans laisser de ses nouvelles ? Et puis ce qui pourrait donner quelque valeur à cette hypothèse, c'est que depuis l'arrivée du rapport à Washington, c'est-à-dire depuis 24 heures, la présence de l'extraordinaire engin n'avait plus été signalée au large du littoral par les sémaphores de la côte. J'ajouterai qu'il ne s'était pas montré en d'autres parages. Il est vrai, certifier sa disparition définitive c'eût été au moins très hasardeux. Il convient d'ailleurs de noter ce point important, c'est que l'idée d'un cétacé, d'un calmar, d'un kraken, d'un animal marin, en un mot, paraissait être entièrement abandonnée. Ce jour même, les divers journaux de l'Union, s'emparant de ce fait divers et le commentant, concluaient à l'existence d'un appareil de navigation doué de qualités supérieures au point de vue de l'évolution et de la vitesse. Tous s'accordaient à dire qu'il devait être pourvu d'un moteur électrique, sans que l'on pût imaginer à quelle source il puisait son électricité. Mais ce que la presse n'avait pas encore fait remarquer au public, cela ne tarderait pas sans doute, c'est une singulière coïncidence qui devait frapper l'esprit et que me fit observer M. Ward au moment où je la constatais moi-même. En effet, c'était seulement depuis la disparition de la fameuse automobile que le non moins fameux bateau venait de se montrer. Or, ces engins possédaient tous deux une prodigieuse puissance de locomotion. Si tous deux se montraient à nouveau, l'un sur terre, l'autre sur mer, le même danger menacerait les embarcations, les piétons, les voitures. Et alors, il faudrait bien que par un moyen quelconque, la police intervînt pour assurer la sécurité publique sur les routes comme sur les eaux. C'est là ce que me dit M. Ward, et ce qui était de toute évidence. Mais de quelle façon obtenir ce résultat ? Enfin, après une conversation qui se prolongea quelque temps, j'allais me retirer lorsque M. Ward m'arrêta. « Est-ce que vous n'avez pas retenu, Stroke, me dit-il, qu'une bizarre ressemblance d'allure existe entre le bateau et l'automobile ? Assurément, M. Ward. Eh bien, qui sait si les deux appareils n'en font pas qu'un ?» Chapitre 6. Première lettre. Après avoir quitté M. Ward, je regagnai ma demeure de Long Street. Là, j'aurai tout le temps de m'abandonner à mes réflexions, sans être dérangé, n'ayant ni femme ni enfant. Pour tout personnel, une vieille domestique qui, après avoir été au service de ma mère, depuis 15 ans était au mien. Un mois auparavant, j'avais obtenu un congé. Il devait durer 15 jours encore, à moins de circonstances imprévues, une mission ne souffrant aucun retard. On le sait, ce congé fut précisément interrompu pendant 3 jours à propos de cette enquête relative au phénomène du Greater Rift. Et maintenant la tâche ne me serait-elle pas donnée de faire la lumière sur les événements dont la route de Milwaukee, d'une part, les parages de Boston de l'autre avaient été le théâtre, je le verrais bien. Mais comment retrouver la piste de cette automobile et de ce bateau? Assurément, l'intérêt public, la sécurité des eaux et des routes exigeaient qu'une enquête fût poursuivie dans ce but. Il est vrai, que faire tant que le ou les chauffeurs ne seraient pas signalés? Et même en ce cas, comment les saisir au passage? Rentrée dans ma maison après déjeuner, ma pipe allumée, je dépliais mon journal. L'avouerai-je, la politique m'intéressait peu, ni l'éternelle lutte entre les républicains et les démocrates. Aussi allais-je tout d'abord à la rubrique des faits divers. Qu'on ne s'étonne pas si mon premier soin fut de chercher quelque information venue de la Caroline du Nord sur l'affaire du Great Erie. Peut-être s'y trouverait-il une communication envoyée de Morganton ou de Pleasant Garden. D'ailleurs, M. Smith m'avait formellement promis de me tenir au courant. Un télégramme me préviendrait aussitôt, en cas que l'air se fût illuminé de flammes. Je crois bien que le maire de Morganton avait, non moins que moi, le désir de forcer l'entrée de l'enceinte et ne demandait qu'à renouveler notre tentative si l'occasion s'en présentait. Or, depuis mon départ, aucune dépêche ne m'était arrivée. La lecture du journal ne m'apprit rien de nouveau. Il me tomba des mains sans que j'y prisse garde et je restai plongé dans mes réflexions. Ce qui me revenait à l'esprit, c'était cette opinion de M. Ward que peut-être l'automobile et le bateau ne faisaient qu'un. Très probablement alors, les deux appareils auraient été construits de la même main. Et sans doute, c'était un moteur identique qui les animait de cette excessive vitesse, dépassant du double les records obtenus à ce jour dans les courses sur terre et sur mer. Le même inventeur, répétai-je. Évidemment, cette hypothèse ne péchait point contre la vraisemblance, et même la circonstance que les deux engins n'eussent jamais été signalés ensemble permettait de l'admettre dans une certaine mesure. Et je me disais, décidément, après le mystère du Great Erie, celui de la baie de Boston, est-ce qu'il en sera du second comme du premier? Ne parviendra-t-on pas à les connaître l'un plus que l'autre? Je dois noter que cette nouvelle affaire avait un retentissement considérable, attendu qu'elle menaçait la sécurité générale. Seuls les habitants du district voisin des Montagnes Bleues couraient des risques si une éruption ou un tremblement de terre venait à se produire. Au contraire, c'était sur n'importe quelle route des États-Unis, c'était dans n'importe quel parage américain que soit le véhicule, soit le bateau, pouvaient subitement réapparaître et avec leur réapparition surgiraient les très réels dangers auxquels serait exposée l'universalité des citoyens. C'était comme un coup de foudre, et sans que vous soyez prévenu par l'aspect du temps qui menaçait de vous atteindre. Hors de sa maison, tout citoyen risquait d'être surpris par la soudaine arrivée de l'inévitable chauffeur. Allez donc vous hasarder dans une rue, sur une route sillonnée par une volée de projectiles. C'est ce que faisaient ressortir des milliers de journaux, évidemment lus par le public. Je ne m'étonnais donc pas que les esprits fussent émus par ces révélations, et en particulier par ma vieille servante, très crédule en fait de légendes surnaturelles. Aussi ce jour-là, après le dîner, tandis qu'elle enlevait le couvert, Grad, carafe d'une main, assiette de l'autre, s'arrêtant et me regardant en face. « Alors, monsieur, me dit-elle, on n'a rien de nouveau ?»« Rien, répondis-je, devinant bien à quoi tendait sa demande. « La voiture n'est pas revenue ?»« Non, Grad. » »« Ni le bateau ?»« Ni le bateau, pas même dans les feuilles les mieux informées. » Mais, et par votre service? Mon service n'en sait pas davantage. Alors, monsieur, s'il vous plaît, à quoi sert la police? C'est une question que j'ai eu maintes fois l'occasion de me poser. Voilà qui est rassurant, et un beau matin, il arrivera sans se faire annoncer, ce maudit chauffeur, et on le verra à Washington filer à travers Long Street au risque d'écraser les passants. Oh, cette fois, Grad, il y aurait des chances pour qu'il fût arrêté. On n'y parviendrait pas, monsieur. Et pourquoi? Parce que ce chauffeur, c'est le diable, et l'on n'arrête pas le diable. Décidément, pensais-je, le diable a bon dos, et je crois bien qu'il n'a été inventé que pour permettre à nombre de braves gens d'expliquer ce qui est inexplicable. C'est lui qui a allumé les flammes du Great Erie. C'est lui qui a battu le record de vitesse sur la grande route du Wisconsin. C'est lui qui évolue dans les parages du Connecticut et du Massachusetts. Mais laissons de côté cette intervention du malin esprit qui répond, je le reconnais, à la mentalité de certains cerveaux plus cultivés. Ce qui n'était pas douteux, c'est qu'un être humain disposait actuellement d'un ou de deux appareils de locomotion infiniment supérieurs aux engins les plus perfectionnés sur terre comme sur mer. Et alors, cette question, pourquoi n'entendait-on plus parler de lui? Craignait-il que l'on finît par s'emparer de sa personne et par découvrir le secret de son invention qu'il tenait sans doute à conserver? À moins que, et bon gré mal gré, on en revenait toujours à cette solution, à moins que, victime de quelque accident, il n'eût emporté son secret dans l'autre monde. D'ailleurs, s'il avait péri, soit dans les eaux du Michigan, soit dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre, comment retrouver jamais sa trace? Il aurait passé comme un météore, comme un astéroïde à travers l'espace, et dans 1000 ans, son aventure serait devenue légende au goût des bonnes grades du 30e siècle. Pendant quelque temps, les journaux d'Amérique puis ceux de l'Europe s'occupèrent de cet événement. Articles s'entassèrent sur articles. Fausses nouvelles s'accumulèrent sur fausses nouvelles. Il y eut invasion de racontars de toute espèce. Le public des deux continents y prenait un intérêt prodigieux, compréhensible en somme. Qui sait même si les divers états de l'Europe ne ressentirent pas quelque jalousie de ce que l'Amérique eût été choisie pour champ d'expérience par cet inventeur lequel, s'il était américain, ferait peut-être bénéficier son pays de son invention géniale. Est-ce que la possession d'un tel appareil, obtenu gratuitement par générosité patriotique, ou acquis à un prix si haut qu'il fût, n'assurerait pas à l'Union une incontestable supériorité? Et pour la première fois, à la date du 10, le New York publia un retentissant article à ce sujet. Comparant la marche des plus rapides croiseurs de la marine de l'État avec la marche du nouvel appareil en cours de navigation, il démontrait que grâce à sa vitesse, l'Amérique, si elle en obtenait la propriété, n'aurait plus l'Europe qu'à 3 jours d'elle, alors qu'elle serait encore à 5 jours de l'Europe. Si la police avait cherché à déterminer la nature des phénomènes du Greatery, elle éprouvait un non moins vif désir d'être fixée à l'égard du chauffeur dont on n'entendait plus parler. C'était un sujet de conversation sur lequel M. Ward revenait volontiers. Mon chef, je le sais, et non pour me causer le moindre chagrin, faisait parfois allusion à ma mission de la Caroline, à son insuccès, comprenant bien d'ailleurs qu'il n'y avait eu là aucunement de ma faute. Quand les murs sont trop hauts pour qu'on puisse les franchir sans échelle, et lorsque l'échelle manque, il est évident qu'on ne saurait passer, à moins d'y pratiquer une brèche. Cela n'empêchait point, M. Ward, de me répéter parfois. « Enfin, mon pauvre Stroke, vous avez échoué, n'est-ce pas ?»« Sans doute, M. Ward, comme tout autre eût échoué à ma place. C'est une question de dépense. Voulez-vous la faire ?»« N'importe, Stroke, n'importe. Et j'espère qu'une occasion permettra à notre brave inspecteur principal de se réhabiliter. Et tenez, cette affaire d'automobile et de bateau, si vous parveniez à la tirer au clair, quelle satisfaction pour nous, quel honneur pour vous. Assurément, monsieur Ward, et qu'on me donne l'ordre de me mettre en campagne. Qui sait, Stroke? Attendons, attendons. » Les choses en étaient à ce point lorsque, dans la matinée du 15 juin, à l'arrivée du courrier, Grad me remit une lettre. Lettre recommandée et dont je dus donner des charges. Je regardai l'adresse de cette lettre, d'une écriture qui m'était inconnue. Datée de la surveille, elle portait le timbre du bureau de poste de Morganton. De Morganton? Je ne mis pas en doute que la dite lettre ne fût envoyée par M. Elias Smith. Oui, dis-je à ma vieille bonne, c'est M. Smith qui m'écrit. Ce ne peut être que lui. Il est le seul que je connaisse à Morganton. Et s'il m'écrit, comme nous en étions convenus, c'est qu'il a quelque chose d'important à me communiquer. Morganton? Reprit Grad. N'est-ce pas de ce côté que les démons ont allumé leur feu d'enfer? Précisément, Grad. J'espère bien que monsieur ne va pas retourner là-bas. Et pourquoi non? Parce que vous finiriez par rester dans cette chaudière du Greatery, et je n'entends pas que monsieur y reste. Rassurez-vous, Grad. Et d'abord, sachons de quoi il s'agit. Je rompis les cachets de l'enveloppe, faite d'un papier très épais. Ces cachets, à la cire rouge, présentaient en relief une sorte d'écusson agrémenté de 3 étoiles. Je tirai la lettre de son enveloppe. Ce n'était qu'une feuille simple, pliée en 4, écrite au recto seulement. Mon premier soin fut de regarder la signature. De signature, il n'y en avait pas. Rien que 3 majuscules à la suite de la dernière ligne. « La lettre n'est pas du maire de Morganton, dis-je alors. « Et de qui ?» demanda Grad, doublement curieuse en sa qualité de femme et de vieille femme. Tout en examinant les initiales qui servaient de signature, je me disais « Je ne connais personne à qui elle puisse se rapporter, ni à Morganton, ni ailleurs. » L'écriture de la lettre était assez forte, les pleins et les déliés très accusés, une vingtaine de lignes en tout. Voici la copie de cette lettre dont j'ai conservé précieusement le texte original et pour cause, daté à mon extrême stupéfaction de ce mystérieux Greatery. Greatery, Montagne Bleue, Caroline du Nord, 13 juin. À Monsieur Stroke, inspecteur principal de police, Long Street 34, Washington. Monsieur, vous avez été chargé d'une mission à l'effet de pénétrer dans les Greatery. Vous êtes venu à la date du 28 avril, accompagné du maire de Morganton et de deux guides. Vous êtes monté jusqu'à l'enceinte et vous avez fait le tour des murailles, trop hautes pour être escaladées. Vous avez cherché une brèche et vous ne l'avez pas trouvée. Sachez ceci, on n'entre pas dans le Greatery, et si on y entrait, on n'en sortirait pas. N'essayez pas de recommencer votre tentative, qui ne réussirait pas plus la seconde fois que la première et aurait pour vous des conséquences graves. Donc, profitez de la vie où il vous arriverait malheur. M. D. M.